Le chien. N'allez pas croire non plus que j'ai toujours vécu seul. Je ne suis pas une bête. Oh, bien sûr, ce n'était pas la même chose que ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais j'ai aimé d'un amour profond. Oui, j'ai eu, pendant presque 10 ans, un compagnon. Un de ceux qu'on appelle avec justesse les meilleurs amis de l'homme. Je me souviens de cette période avec un ravissement très doux. J'étais beaucoup plus jeune. Je l'avais trouvé tout chiot, errant dans le quartier, juste devant ma maison. Je l'avais pris chez moi, il faisait froid. Je lui avais donné à manger, il m'en était reconnaissant. Malheureux pour son maître ou pour sa maîtresse, j'avais alors écrit le premier jour une annonce sur une 10aine d'affichettes, le lendemain sur une 20aine, et enfin sur une 50aine, 3 jours plus tard. J'avais placé ces affichettes sur des poteaux, des coffrets de gaz, des vitres de cabine téléphonique, un peu partout, quoi. Trouvé chiot roux au poitrail blanc, bout des pattes blanches, race indéterminée. S'adresser à Miloche, puis mon adresse. Je m'étais même procuré un livre sur les chiens pour connaître la race. Il y avait des photos, et chaque fois que je comparais sa bouille aux yeux ronds avec les modèles, je disais « non », et il me confirmait la chose. J'en ai déduit que le chien était un bâtard, comme moi, comme nous tous. Au bout d'un gros mois, personne n'était venu réclamer son ami, et je m'étais attaché à lui. C'est fatal quand on a un peu de cœur. La nuit même, j'ai couru en trombe, arraché toutes les affiches qui subsistaient dans le quartier, les yeux exorbités, le cœur battant, et je suis revenu serein chez moi. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé mon colocataire dans les yeux de toute ma hauteur d'homme. Je lui ai dit en le montrant du doigt, « Toi, tu n'appartiens plus à personne. Tu n'as plus de maître, plus de propriétaire. Tu es ici chez toi. Tu es mon ami, tu as les mêmes droits que moi. Tu peux faire ce que tu veux. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. » Il a compris exactement ce que je lui disais, car il a légèrement penché la tête avant de me sauter dessus en me léchant généreusement. Moi, couché sur le dos, je le caressais et nous étions heureux. Je lui ai dit « Je vais te donner un nom, mon chien », car il ne m'en avait rien dit. Mais tellement de patronymes me sont venus à l'esprit, de Médor jusqu'à Jean-Luc en passant par Rodin, que je n'ai pas su faire le tri. Je l'ai appelé « le chien » avec un grand C. Il a un peu grandi. Pas trop, il est resté à sa place, et nous avons été les meilleurs amis du monde. Lui, le meilleur ami de l'homme, moi, le meilleur ami du chien. Des fois, nous allions faire un tour en vélo. Il galopait joyeusement derrière moi, devant, à côté, nous faisions parfois la course. Le chien adorait les courgettes. Il poussait de petits cris aigus quand il les dévorait goulûment. Un peu trop vite à mon goût, je dois dire, ça se déguste, la courgette. Enfin, chacun sa personnalité. Le chien mangeait comme moi, mais par terre. Quand je lisais, il s'assoupissait à côté de moi. Quand je sculptais, il faisait la sieste dans l'atelier. Quand je réparais mes vélos, il roupillait dans le hangar. Quand j'allais me coucher, il me soutenait moralement, et nous nous rejoignions alors dans un sommeil commun, en communion totale. Le chien était éveillé quand je nourrissais les poules, que je lui avais appris à respecter, quand je faisais la cuisine ou rangeais. Le reste du temps, il récupérait. Et puis, petit à petit, son enthousiasme a diminué. Le chien s'essoufflait quand nous allions nous balader en vélo. Il n'aimait plus jouer, se déplacer d'un pas qui devint lent, arthritique, pesant. Pour lui donner le change, j'ai pris à mon tour de la maturité. Je lui parlais d'une voix plus posée, je pédalais avec responsabilité, avant de laisser tomber tout à fait la bicyclette pour marcher à côté de lui. Puis j'ai arrêté la marche par solidarité. Le chien me regardait sous ses paupières tombantes, comme pour s'excuser. « C'est la nature, » semblait-il me dire. « J'aimerais, comme au premier jour, faire la course avec toi, me fendre de bons admirables, étendre les pattes de devant au sol, fesses en l'air, en couinant, prêt à bondir vers le bâton que tu me jetterais. Mais le temps est injuste, c'est le chien qui me l'a appris, et je serai bientôt obligé de te laisser, malgré tous mes efforts. » C'est bien ce qu'il a fait. Un matin, j'ai découvert son corps sans vie au pied de mon lit. J'avais recueilli son dernier souffle dans mon sommeil, sans m'en apercevoir. Je n'ai pas aéré ma chambre pendant 10 jours, pour conserver un peu de son âme. Le lendemain de son départ, le pas traînant, en silence, j'ai construit une très belle boîte en bois, bien ouvragée, avec mes meilleures planches. J'ai passé toute la journée. J'ai fait des chanfreins, bouché les petits jours et les défauts à la pâte à bois, fignoler la surface au papier abrasif. J'avais besoin de donner encore du temps à mon ami. Puis j'ai mis le corps du chien à l'intérieur, sur sa plus belle couverture, avec délicatesse, et je l'ai embrassé une dernière fois en le mouillant de larmes, en lui susurrant des adieux. J'ai pris trois de mes plus beaux marbres polis que j'ai disposés à ses côtés, pour l'accompagner dans son voyage dans l'au-delà. Puis j'ai refermé la caisse avec un joli couvercle, que j'ai fixé à l'aide de vis en laiton, grâce à mon vilebrequin. J'ai ciré méticuleusement le cercueil, et je l'ai enterré avec cérémonie au fond du jardin, juste à côté du figuier qui n'était alors qu'un jeune arbre plein de sève, et qui me donne aujourd'hui, dans sa généreuse maturité, de beaux fruits gorgés de soleil et de l'âme du chien. Quand je mange une figue, c'est chaque fois l'Eucharistie laïque. Au-dessus de sa tombe, j'ai déposé un marbre brut, une de ces formes sculptées par la nature avec une maestria incomparable. Il lui fallait le plus beau. Puis, j'ai continué à vivre, car je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne suis plus sorti que la nuit, pour ne pas avoir à revivre les mêmes situations sans la présence du chien. J'ai connu l'amour, oui, cet amour profond qui réchauffe le cœur, qui ne fait plus de vous le centre de l'univers et qui vous brise complètement quand il n'est plus là, par manque de temps. Je suis donc toujours là, moi, les joues baignées des larmes du souvenir, caressant mon marbre avec affection, en train de me réjouir de la présence douloureuse de Lila. Je l'observe à travers le rond de carreaux essuyés de ma fenêtre pleine de poussière. Elle envoie des poèmes aux chiens, de feuilles en troncs, de troncs en racines, de racines en terre. Je suis en train de découvrir une étrangeté à qui l'on donne peut-être le même nom, amour, dont la chaleur est pourtant moins confortable, plus arythmique, mais tout aussi nécessaire, et par là même effrayante. Je dois me reposer maintenant. Je me lève sur mes béquilles et je vais voir Lila, les yeux gonflés, secs d'avoir été trop humides. Quand elle me voit venir, son regard change et il devient plus inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, Mimi ?»« Rien. Je suis un peu fatigué. Tu peux t'en aller, s'il te plaît ? Je dois prendre un peu de repos. »« Mais pourquoi ? Je peux t'aider ?»« Non, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. »« Bon, d'accord. Je reviens demain, ok ?» Comme je ne réponds pas et que je baisse les yeux, Lila me donne un baiser sur le front, m'essuie du pouce une trace de larmes pas tout à fait éteinte, prend ses affaires, file sans faire de bruit. « Au revoir, Miloche. Repose-toi bien. J'espère que je n'ai rien fait qui ait pu te choquer. » « Au revoir, Lila. Merci. » Tandis qu'elle s'éloigne dans le bleu, je ferme mes volets et je me couche, les poings dans les yeux. J'ai eu ma dose d'émotion, il faut que je digère. La fragilité est beaucoup moins visible dans le noir. Avec un peu de persuasion, on pourrait même croire que je suis un roc, un homme fort, mâle dominant qui cogne dur, saigne, avance sans répit, insensible aux rigueurs du temps, aux blessures de la vie, portant le combat naturel sur son visage sec, plein d'assurance virile. Dans le noir, je suis un patriarche au bras d'acier. En l'absence totale de lumière, je suis surtout quelqu'un qu'on ne voit pas, et qui n'a pas sous les yeux la laideur des visages des délateurs endormis, des traîtres qui sommeillent, des exterminateurs latents, des ordures peuplant les rues, sous leur masque d'attente d'une quelconque catastrophe qui leur permettrait de faire exploser toute leur férocité contenue. Je ne peux pas m'empêcher de voir un visage sans me poser la question. Aurait-il dénoncé? Ou aurait-il caché? Aurait-il exterminé ou sauvé? Ou suivi simplement? Salopard, cœur pur ou détourneur de regard? Et moi? Par peur de la déception, je préfère ne voir que des salauds. Je sors la nuit, je leur laisse le jour, pour que les forces s'équilibrent. Laissez-moi du repos, merde ! Je ne demande que 24 heures !